Depuis si longtemps, il en avait rêvé. Son destin, il le voyait déjà tracé. On a tous en nous des projets inavoués, des rêves un peu fous. Il avait osé, il avait fait son sac et s'était en allé. Le plus difficile avait été de partir. Mais le portait une certaine euphorie. Maintenant il ne pourrait plus jamais rien lui arriver. Il avait pour lui les forces de l'éternité. La foi de celui qui se sait appelé. Est-ce le soleil qui brille dans le ciel? Cette étincelle nous autorisera-t-on encore à rêver quand la nuit sera tombée? Pourrons-nous encore nous relever sans y être obligés? Est-ce le soleil qui brille dans le ciel? Serait-ce donc un miroir aux alouettes? Serons-nous restés éveillés? Aurons-nous simplement été aveuglés? Pourrons-nous encore nous relever sans y être obligés? Mais le temps qui passe déploie ses filets, sans qu'on y porte l'attention qu'on devrait. Quand on comprend qu'on ne changera plus ce que l'on est, tout en nous une part à tout jamais disparaît. Combien de regards avant de se voir? Combien de retard pour combien d'espoir? Combien sauront voir la flamme qui efface le noir? Combien pour savoir qui vraiment se cache derrière le miroir? Vraiment se cache derrière le miroir. Est-ce le soleil qui brille dans le ciel qui allume dans les yeux cette étincelle? Sans y je voudrais voir de là des nuages et toucher l'oiseau de passage. Je voudrais me souvenir celui que je ne serai pas. Tombait la nuit, il semblait avancer sans but précis. Il a laissé tomber à ses pieds ses maigres bagages, son sac est limé. Il a laissé tomber à ses pieds ses rêves usés. Cette fois c'est fini. Il faut bien un jour poser ses valises.